quand j'avais parlé du théâtre, de l'industrie du théâtre, puis là, tout le monde en a pu parler, tu sais, puis on riait, tu sais, c'était un bon moment, puis ça a été apporté par moi. Est-ce qu'il y a une grue bien placée, là? Comme... Pas sûr. Je pense que. Attends, comme ça? Oui, ah oui, une piton de côté de Christian. Toi, je sais pas si c'est à cause que tu. C'est parce que tu parlais beaucoup de même ou tu t'en rappelles-tu comment t'étais? J'ai augmenté le gain. Parce que le problème, l'affaire, c'est que. Je m'entendais moins fort. Je m'entendais moins fort, sauf que des fois, quand on t'entendait fort, c'était fort. Fait que je sais pas si. On est supposé être bien placés, les trois, là. Ok, gars, je vais me placer plus. Un peu plus. Là, ça l'enregistre ou. Ouais, je fais par exprès, puis je vais le garder d'ailleurs. Ah, tu l'as-tu encore tes. Hein? Tu voulais-tu encore tes écouteurs? Non. Pourquoi? T'as pas besoin d'écouteurs? Non. Ok. Non, non. Je sais pas si c'est parce que j'étais à la limite extrême. Ça fait un beau petit cœur, là. Droit? Normalement, c'est supposé faire ça, comme ça. Faire un cœur. Poink, pointé. La fin, le début. La fin, le début. Et peut-être aussi quand je ris, je sais que je ris fort, puis j'essaie d'être de côté. Peut-être aussi j'ai mon corps resté de... Assume ton rire, il est tellement viril et charmant. Dis plus viril. D'ailleurs, on dirait quasiment un vampire, esti, ça a pas de cri. Lui? Non, mais quand il est dedans... Fait que c'est ça, non, mais si tu veux, tu pourrais commencer aujourd'hui. Non, pas commencer. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Justement, tu pourrais commencer aujourd'hui à moins parler. Alors, non, mais... Il parle pas tant que ça. C'est ça, non, mais pas. Parler plus, justement, quand on... Parle moins, mais plus. Ouais. Ah, d'accord! Deal with that. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, comme moi, j'ai comme catché que justement, comme Marc l'a dit, quand je parle trop tout seul, à un moment donné, je sens que ça peut être bon. Lui, ça va être la même chose avec son Mysterium. Je pense parce que je m'en retiens un peu. Tu sais, la première fois qu'on a enregistré le test là, avec Georges quand il était là. Qu'on peut retrouver sur SoundCloud. J'avais l'impression de toujours intervenir. J'ai toujours des questions. Puis là, j'ai fait, il me semble que j'étais un peu trop présent, que je vais me calmer un petit peu. Non? Aussi. Tu peux te calmer un petit peu. Pourquoi on commence pas à parler comme les femmes? Les femmes parlent toutes en même temps, puis tout le monde se comprend. On peut faire le femelle aussi. Hein. C'est comme une émission française, ça. Tout le monde parle en même temps, puis tu comprends absolument rien. C'est la cacophonie. Ah, mais c'est tellement le fun. Moi, je trouve ça drôle. Sauf pour l'auditeur qui essaie de capter un petit peu. Oui, mais les Français, ils catchent. Bon, ben. Tu sais, qu'ils soient hommes ou femmes, là, tu regardes par exemple On n'est pas couché. Une émission classique avec Paul-Laurent Ruquier, ça c'est tout le monde en parle. Mais tout le monde parle en même temps, surtout quand il y a quelqu'un qui se penche, là, tout le monde. Blablabla, blablabla, ça se. Tout le monde parle en même temps, puis Stifie, ils comprennent. Ouais. Ils sont très émotifs, hein, c'est leur. Ça, oui. Ben, il n'y a personne de pareil. Moi, je ne serais pas capable. Moi, c'est la fois que je suis de quoi te préparer. Mais c'est ça. On commence? Ben, je parle-tu du tombeau de Saint-Pierre ou pas? Je ne sais pas. Moi, on va voir. Septembre, t'en parleras. On va voir. Mais c'est ça, fait en sorte, tu peux réduire. J'ai déjà réduit. Puis on peut parler pendant ce temps-là aussi. OK? Pas de problème. Mais c'est sûr que là, on dit ça spontanément de même. Fais ce que tu étais supposé faire pour pas qu'on te refuck, puis après on. Ça se peut que vous receviez des claques derrière la tête si vous m'interrompez trop souvent. Là. OK. Test. OK. Excellent. OK. Christian, vas-y, shoot. OK, ben là, je vous dis ça, je vais vous dire, vous allez l'avoir en surprise. Oh yeah! Hey, salut à tous! Bienvenue dans l'antre du n'importe quoi, où on y trouve de tout, même trois amis. Voici le schizopode numéro 2. Yeah. Vous êtes en compagnie de Christian et des deux Marc. Allô! Salut! Aujourd'hui, en direct de la frontière Mexique-USA, on est présent ici dans le désert pour recueillir les impressions des premiers Mexicains qui seront... forcés de retourner chez eux. Alors, on n'en a pas vu encore. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à leur dire à ces pauvres. Si t'es Mexicain puis musulman en plus de ça, puis il est handicapé, oh my God, je donne pas cher de sa peau. Moi, je te dis, profite-en aux États-Unis jusqu'au 20 janvier. C'est à partir de ce moment-là que Trump va pouvoir t'expulser. Ah, fait qu'on est ici jusqu'au 20 janvier, là? Je pense que oui. Bon. Sauf que les flics qui tapent dessus, eux autres, c'est à l'allée longue, quel que soit le président. C'est vrai. Moi, j'avais apporté un peu de rafraîchissement parce qu'il fait chaud dans le désert. J'avais un peu d'eau. Mais oui, c'est ça, je suis en train de boire. Merci pour le verre d'eau, Christian. On va faire un frais tout à l'heure, là-bas. Tu sais, un Mexicain, ça serait-tu à quelque chose, tu sais? Ben, ça travaille pas mal aux États-Unis, les Mexicains. Là, moi, j'ai entendu dire que quand ils vont partir, il va y avoir des postes vacants, puis peut-être que les Américains sont trop lâches pour les combler. Non, ben c'est ça, c'est tous les jobs que les Américains veulent pas faire. Ça, je sais qu'ici, au Québec, ça arrive nord, ils sont tous dans un champ de patates en train de ramasser. Ou de fraises. Ou de fraises, c'est ça, puis retourner l'argent chez eux. Ah ouais, ils sont payés, ils sont sous-payés. C'est tous des jobs qui sont payés en bas du salaire minimum, d'ailleurs. Rappelons que c'est illégal, mais on le fait pareil. Fait que Pitbull, Mexicain, même combat. Bon. Je rajouterai ma blonde quand elle a ses règles. Hey, on va faire un petit retour sur. on va faire un petit retour sur la semaine passée. Ça manquait de rire puis de jovialité, hein, à un moment donné, à certains moments. À quel moment tu fais ça? Non, non, ben, à un moment donné, non. OK, à un moment donné. Ah, quand mettons... tu parlais de ton film, c'est vrai qu'on s'en merde. Ça, c'est le premier épisode. Fait qu'on va faire de quoi? Je vais vous raconter une blague, puis on va rire. OK? Okay? Mais la blague, c'est spécial. C'est une blague de Stéphane Bureau qui avait raconté. Pendant qu'elle animait les nouvelles à TVA ou à Radio-Can. C'est celui avec les lunettes, là, qui... Ouais, okay. C'est Stéphane Bureau qui travaille, qui a mené, il a changé. Ouais. Tu sais, il y avait... Il a fait une émission à Radio-Can, non, là? Il y avait un invité, là, décor épuré. C'est avec des humoristes, ouais, avec les humoristes. C'est Art TV, ça. Oui, c'est toujours des humoristes. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant, ça. En tout cas, mais quand il était... quand il annonçait les nouvelles... Puis, il y a ce soir, il disait, j'ai une blague pour vous. Il paraît que c'est la nouvelle de cette année, mais je me rappelle plus, mais ça fait une dizaine d'années. Alors, la voici. Sherlock Holmes et le docteur Watson sont au camping. Après un repas et une bouteille de vin, ils gagnent leur sac de couchage et s'endorment. Quelques heures plus tard, Holmes se réveille et secoue son compagnon. Watson, regardez le ciel et dites-moi ce que vous voyez. Je vois des millions et des millions d'étoiles. Qu'est-ce que vous en déduisez? Astronomiquement, répond Watson, flatté de cette marque d'intérêt, cela me dit qu'il y a des millions de galaxies et potentiellement des milliards de planètes. Astrologiquement, j'observe que Saturne est en Lion. Horairement, j'en déduis qu'il est environ 3 heures et quart. Théologiquement, je vois que Dieu est tout-puissant et que nous sommes petits et insignifiants. Météorologiquement, je pense que nous aurons une belle journée demain. Et vous, Holmes? Sherlock Holmes reste silencieux une minute, puis déclare « Très simplement, Watson, j'en déduis que des malotrus ont volé notre tente. » Il n'y avait pas une nouvelle cette journée-là. Il n'est pas vite, Watson. Oui. Ah bon, puis encore un retour. J'ai quelque chose qui va faire chaud au cœur. J'ai été joué au Randolph sur près de Beaubien. C'est un bar où est-ce qu'on peut jouer à des jeux. Il y a plein, une centaine de jeux de société. Ah oui, Beaubien, quoi ça? T'es pas supposé pas aimer ça, toi? Non, mais là, ça fait du bien avec une bonne bière puis un bon ramen cup, plutôt. Bon, c'est près du parc. Je m'en rappelle plus. C'est-tu le resto? Près de chez Roger, là, le bar de chez Roger. Oui, OK. Bienvenue aux dames. Au deuxième étage. C'est-tu le resto de Normand Lamour ou bien d'Antoine Vizina? Puisque j'ai les deux, restos avec des jeux de société dedans. Ça, je ne sais pas, en plus. Je pense pas que c'est celui de Normand Lamour. Mais bref, à côté de moi, oui, il y avait 3 personnes. Mm-hmm. Qui jouait au Mysterium. Non! Fait que c'était sûrement des auditeurs. S'ils jouaient au Mysterium, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas écouté mes règles. Ouais, ben non, ils lisaient les règlements juste avant. Parce que c'est ça, ils n'ont sûrement pas... Il paraît que quand tu vas là, il y a un gars qui peut t'expliquer les jeux, les règles du jeu, puis tu sais... Ouais, mais on est assis, puis là, il y a quelqu'un qui arrive. À quoi ça forme de jouer? Ben là, on a le goût de rire, ou puis on a le goût d'être rapide. OK, là, il arrive à 3-4 jeux. Ben, c'est fou, ils connaissent tous les règlements, puis tu sais, il y a une... Peut-être la semaine prochaine... Une pléthore. Ouais. Peut-être que la semaine prochaine, on peut l'inviter, lui, pour venir expliquer le jeu Mysterium. Le Mysterium, c'est un jeu très agréable, là. Bon, ben, OK, fait qu'on va passer, on va passer à ce qui nous écœure et nous fait jouir. Voici nos orgasmes et nos marasmes. Ben, je peux-tu commencer? Vas-y, commence, parce que moi, vas-y. Ouais, mon petit doigt me dit que, vas-y donc. Ben, je vais juste commencer avec mon orgasme. J'ai lu sur Wikipédia qu'un orgasme chez l'homme dure en moyenne 6 secondes, donc je vais me timer. 1, 2, 3. Ben, moi, je suis relativement content que Trump ait gagné. Donc, c'était mon orgasme. J'ai entendu ce qu'il a dit. C'était mon orgasme. T'as-tu entendu? Ouais. Tu as dit qu'il était content? Il y a du monde comme ça, qu'est-ce que tu veux. Puis mon marasme, ben, ça va être un petit peu plus long, mais je vais le faire rapidement quand même. C'est comme si c'était une sodomie. ça va être tout simplement le fait que Trump ait gagné. Parce que avoir voté pour être aussi exécrable... sexiste, misogyne, raciste, soutenu par le qui est, bref, on pourrait en rajouter, je pense que... Un minable, une merde. Même Hitler n'aurait pas voté pour lui. Ah, pour Godwin. Bref, je trouve que c'est être rendu bien bas dans ses choix électoraux. Et en même temps, je crois que c'est cela. Ça, t'avais plein de choses à dire là-dessus. Non, non, mais ça va venir. On a tout dit avant le podcast. C'est ça que j'ai dit. Mais pour être ça, on veut pas trop vous emmerder avec Trump, là, parce que mais on n'aura pas le choix. Je pense que tout le monde a ça sur le bord, sur le bout de la bouche ou sur le bout de la langue. Non, je veux rajouter quelque chose. Toi, t'as dit, là, c'est surtout, ça va impliquer la politique interne, mais la politique externe, ça touchera pas grand monde. Ça va nous toucher énormément, nous, les Canadiens. Il veut complètement démolir l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Il veut le Keystone XL, là, le pipeline que Barack Obama avait cancellé en 2015. Ça, il veut rouvrir le dossier. J'ai vu qu'Obama l'a cancellé au Dakota. Hein? Oui, exactement. Ben, pas pantoute. Les Amérindiens se battent encore. Marc Attremoy ici, il était un peu médusé. Je suis comme figé. Je te jure, entre Bush, Obama puis Trump, la seule différence que tu vas voir, ça va être au niveau de leur représentation médiatique. Mais au niveau des faits tous les jours, leur société va continuer à se dégrader, à péricler. Péricliter, que tu sois de la droite ou de la gauche, les présidents n'ont pas tant de pouvoir que ça. Donc, je vois pas vraiment, il y aura pas vraiment de différence. Un bon exemple, Justin Trudeau, le Messie! Eh bien, a-t-il réalisé les promesses qu'il a fait? C'est un trou de cul comme les autres. Il a une chance. Fait juste un an qu'il est au pouvoir. Ben, c'est ça. C'est la première fois que je me suis masturbé sur un premier ministre. Mais pour revenir sur Trudeau, ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, allez sur le web, allez sur le site Trudeau Meter. Vous allez tout voir les promesses électorales d'avant, ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant et, finalement, pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, on peut-tu fumer du pot légalement, Sty? Mais grâce à lui, en tout cas, j'ai plus d'argent par mois. Ça, c'est vrai, ça a augmenté. L'argent des enfants, là, ça a doublé quasiment. Mais revenons sur Trump. J'ai eu une bonne discussion avec un ami cet après-midi. Avec un ami. Puis il me dit, là, c'est sûr, c'est contre l'establishment que j'ai dit, parce que le monde en a ras-le-bol de ce qui se passe politiquement. Puis j'ai dit, écoute, je suis en train de lire un livre en ce moment, The Bully Pulpit, ça s'appelle, puis c'est sur Theodore Roosevelt en 1904, quand il était président des États-Unis. Le monde en avait ras-le-bol des politiciens. C'est ce qui se disait à l'époque, c'est ce qui se dit aujourd'hui, c'est ce qui se va dire demain. C'est rien qui change là-dedans. Puis dans 4 ans, j'ai dit, qui dit que ça va être vraiment meilleur, qu'il va réaliser tout ce qu'il a dit qu'il allait faire? Ouais, c'est ça. De toute façon, il me dit, ben non, sûrement pas. Puis en même temps, quand t'es écœuré de l'establishment des policiers tabarnak, tu votes pas, si bon! Hey, pour savoir à où la longueur du... ça tu veux on est rendu à combien de temps? 8 minutes 52. Ouais, okay, exactement. Là, on est en train de regarder Audacity, parce qu'on enregistre notre podcast avec Audacity. C'est gratuit, vous pouvez le trouver gratuitement. Puis c'est un super bon logiciel. Audacity! OK, ben Marc, le trémouille, t'as-tu un marasme, un orgasme autre que le sujet Trump? Ben, ouais, mon orgasme, je l'avais écrit 2 jours, puis je félicitais les Américains d'avoir voté pour la première femme présidente des États-Unis. Tu t'étais sûr que t'étais... Fait que c'est comme si t'étais un acteur qui était sûr de gagner l'Oscar, tu prépares tes remerciements. Exact. En même temps, les Américains respectent pas les femmes. Comment tu veux qu'ils aient voté pour elles? Parce que se sont-ils plantés dans un sondage? C'est comme j'ai dit à Marc tantôt, ça ressemble beaucoup au Brexit. Puis ça, en ce moment, moi. On dirait que les firmes de sondage sont complètement à côté de la traque là, ces temps-ci. Puis le Brexit, hein? Voyez les Anglais, moins de chocolat dans leur Toblerone. Il avait juste à pas voter Brexit. Fait que finalement, j'ai pas d'orgasme cette semaine. Ça s'est comme transformé en 2 marasmes. Va-t'en en salle de main, t'en reviendras. Non, je vais continuer mon deuxième marasme. Écoute, on va changer un petit peu de sujet. On parlera plus de Trump, mais on va rester dans la politique. C'est la politique canadienne. C'est mon marasme, c'est à Bill Morneau. C'est le nouveau ministre des Finances du fédéral. Mais tu sais, quand je dis nouveau, je veux dire d'un an. Bill Morneau, on dirait un Anglais québécois, ça. Oui, mais non, pas du tout. C'est un anglophone, donc, complètement. Morneau. Ça, c'est pour moi, c'est mon marasme, parce que c'est pour son manque d'imagination et de vision. Et que malgré qu'il y ait un vent de fraîcheur avec un nouveau gouvernement à Ottawa, mais quand je parle de nouveau, je veux dire un an, tu sais, on aura compris. Ouais. M. Morneau tombe dans les mêmes habitudes que les gouvernements précédents. Non. Bon, je m'explique. Le Parti libéral avant, il avait promis, lors de la dernière campagne électorale, un déficit de 4 ans pour stimuler l'économie, qu'on reviendrait à l'équilibre budgétaire à la fin du présent mandat. D'accord. Aujourd'hui, on dit que ce sera peut-être 5 ans ou plus. Bon, OK. Là où j'en veux, c'est qu'on dirait que M. Morneau ne sait pas dans quel secteur stimuler l'économie. On choisit toujours dans les infrastructures et c'est ce qu'il a décidé. Oui, on en a besoin des nouveaux ponts ou bien de réparations de viaducs ou de routes, mais pas de là à se péter les bretelles en disant que l'on crée de l'emploi, donc on stimule l'économie. Surtout que c'est un secteur où les emplois sont temporaires et que la fin d'un contrat d'employé tombe sur le service de sécurité d'emploi. Et voilà. Ça, ça veut dire le chômage. OK. OK. Ben, pas de l'investir 18 milliards de dollars sur les 11 prochaines années dans ce seul secteur en disant que les autres secteurs, ça va bien, Madame la Marquise. Pourquoi pas une diminution d'impôts substantielle à tous les Canadiens, M. Morneau? Ça, ça stimulerait l'économie. Pourquoi pas un crédit d'impôt pour entreprise afin de créer des emplois et ainsi stimuler l'économie? Ouais, pourquoi pas? Ben non. On préfère les politiques des cônes oranges. Tous les gouvernements fédéraux et provinciaux le font. Coder. Parce que la population le voit où on met de l'argent. Plus il y a de cônes oranges, plus il y a de l'argent d'impliquer puis d'investir, puis ça donne une bonne image au gouvernement. Mais Montréal. C'est un effet pervers, puis c'est malsain, et c'est faux. Ça a commencé à peu près 20 ans, puis au lieu de mettre tout l'argent sur un chantier, par exemple, pour le finir le plus vite possible, on en donne la moitié à un, puis l'autre moitié va sur un autre chantier. Puis on le rebudgette le même montant l'année d'après. Puis maintenant, on fractionne plus moitié-moitié, mais un tiers, un quart, un cinquième, étendant le chantier sur 5 ans et créant 5 chantiers en même temps. On se ramasse avec des forêts de cônes oranges partout au pays. C'est pas facile. Non, ce serait tellement plus facile, justement, parlant de ça, de faire un transfert électronique pour diminuer les impôts, faire des crédits d'impôt. Augmenter le pouvoir d'achat des Canadiens aussi. Oui, comme tu dis, augmenter le pouvoir d'achat. Ils vont plus dépenser, ça stimule l'honnêteté. Mais ça, on le voit pas. Changer la couleur des comptes. Vert lime. Ouais, ben, juste changer un peu. Juste changer le paysage. En tout cas, vas-y donc. Ben, c'est tout. Merci, M. Okay. Morneau. Je voulais le remercier. Merci. C'est pareil au même à tous ceux qui vous ont précédé. Oui, mais quand on fait l'histoire de la politique canadienne dans les 100 dernières années, est-ce qu'il y a réellement eu des changements? Non, la politique, c'est de la merde. Tu sais, il y a un scientifique. Il y a un scientifique qui a dit. Moi, j'ai ça pour mourir. C'est Einstein, je pense, là. Moi, j'ai ça. Qui a dit quand on répète toujours la même chose puis on s'attend à avoir des résultats différents, c'est un petit peu un leurre. Si on continue à voter en attendant des résultats différents, je pense qu'il faut arrêter de croire au Messie, lâcher la religion du système électoral et peut-être passer à d'autres choses, comme par exemple, arrêter de voter, hostie! Quasiment. Christian, je veux pas te dire ça, parce que j'ai un ami qui est de même, puis il dit, moi, la politique, c'est la merde, ça m'intéresse pas, puis le Canadien, tu gagnais à soir, tu sais. Non, mais ça... C'est important, ça. Ouais, ouais. Mais non, mais je veux juste te dire, parce que c'est quand je les entends parler, dans les émissions, je trouve ça d'un ridicule, puis je peux pas croire qu'il y en a... qui disent « Ouais, on va voter pour lui ». Et là, je sais qu'il y a bien du monde qui parle comme moi, puis ça devient du blabla. Puis, sauf que je te dis, c'est plus fort que moi, là. C'est un autre monde. Tu deviens politicien, puis tu traverses une frontière, puis là, t'es dans ton monde, puis là, tu crosses, bon, puis tu manipules, puis ce que tu dis. Puis, t'es peut-être pas une mauvaise personne, mais ce que tu dis, c'est de la merde. Tu vends, c'est comme de la publicité. On dirait qu'il faut que les politiciens soient politiquement corrects, donc ils disent pas grand-chose. Attends, on va parler de Trump. Je comprends ça aussi. Correct, Trump aussi. Ouais. Non, ben, je comprends ça aussi, là, qu'ils peuvent pas tout dire. Je le comprends, ça. C'est pas facile pour eux autres non plus. Sauf Trump, il dit tout. Sauf que, laisse-moi dire quelque chose. Lors du débat, de l'investiture républicaine. Ils étaient à peu près 13 sur le podium, sur le stage à débattre. Puis à un moment donné, Marco Rubio puis Donald Trump se sont commencés à s'insulter. Ben, Rubio se retenait. Trump a commencé à dire, regardez les cheveux de Marco Rubio, c'est pas des vrais cheveux. Lui-même, Trump, qui dit ça! Là, tu voyais Marco Rubio, là, tu voyais dans ses yeux, il dit, est-ce que je lui réplique? Parce que lui, ses cheveux, là, sont vraiment ridicules. Tu le voyais dans ses yeux, qu'il se retenait, il souriait, puis il disait rien, il voulait rester politically correct. Puis il a rien dit, finalement, il est resté fugé, puis je pense à le complètement planté. Je suis sûr qu'il y a du monde qui a voté pour Trump à cause de cette réplique-là, essentiellement. Mais je veux répliquer à un de mes amis là, ce qu'il dit, la politique c'est la merde, donc je ne m'en préoccupe pas. George Orwell disait « La dictature naît dans le terreau de l'ignorance ». Merci. Mysterium? C'est du Mysterium, ça là? Ouais. C'est pour ça qu'on vote encore. C'est parce qu'on est ignorant. Fait qu'arrêtez de voter, esti! Ouais. OK. Bon, ben, moi, je vais d'abord, c'est à moi, mes orgasmes. Ah, vas-y donc. Mon orgasme. Ouais, c'est bon, t'avais oublié, toi. Puis je saute du coq à l'âne. mon orgasme. Fait qu'avant de vous partager mon orgasme, je dois révéler quelque chose à propos de moi, toi, tu le sais. Toi, je sais qui pas. Qui c'est toi? Toi à côté, là. Toi qui as les lunettes. C'est ça, moi, je joue beaucoup. En tout cas, je joue pas, je lance beaucoup le dé. Le dé gère ma vie. Mais je dis le matin quand je me lève, disons que j'ai je sais pas moi 6 paires de jeans dans mes dans mon garde-robe, ben, c'est un D6 que je vais lancer pour savoir quelle paire de jeans je vais porter. J'ai plein de sortes de dés. J'ai un D6, un D4, un D12, un D20, un D10, un D8, un D4, que tu dis, en tout cas. Mais ça t'arrive-tu des fois, 1 à 3, je suis de bonne humeur, 3, 4 à 6, si je me lève de mon... Non. Fait que ça décide un peu le linge que je vais porter. Ça va décider aussi les films que je vais regarder. Supposons que j'ai plein de films. Aujourd'hui, t'as pogné un 1. Pourquoi? Parce que tu fais dur. Non. Puis des fois, avant, je faisais ça pour les recettes, tu sais. C'est pas, ça me permet de pas me casser la tête, puis il n'y a pas de discrimination dans mon linge. Là. Toutes mes chemises sont contentes de pouvoir être portées. C'est ça. C'est un orgasme, ça? Fait que, non. Je suis content pour tes chemises. C'était juste pour expliquer que je lance le dé, puis là, moi et ma copine, ben on a un jeu, ça s'appelle le dé resto. Ça te rapporte au cul? Non, ça s'appelle le dé resto, puis c'est ça, on a le guide de resto voir. Puis c'est ça, on lance le dé, puis on tombe sur une page, là, sur le guide resto voir, sa critique des restaurants là, de Montréal. Puis je lance un dé, supposons que je tombe sur la page 18 avec un dé, puis là, sur la page, je parle de 3 restaurants, ben là, je vais lancer un dé 3. Et là, supposons on tombe sur le deuxième restaurant, ben on y va! Fait que c'est vraiment cool, j'adore. À date, on a découvert le Notkins, un restaurant de fruits de mer, la Coupole, restaurant japonais qui est le Miso. Si tu lances le dé pour rendre là-bas le menu. L'otage. Ah, mais tu vois, ça serait mon genre. Ça serait mon genre. J'aime ça. Attends, quand t'as ton assiette, je commence par quoi? Je lance le dé. Mais attends, je le faisais pour quelque chose. Je m'en rappelle. Ah, merde, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, bref, le dé, ça devient un jeu. La vie est un jeu. Puis ça me permet de pas me casser la tête. Fait que c'est ça. L'orgasme, maintenant. Ah, c'est pas ton orgasme, non, ça? Non, c'est okay. Qui est maintenant le marasme. Alors, mon marasme, cette semaine, c'est l'orientation adoptée par la plupart des studios dans le domaine de l'horreur. Mon genre préféré. Des bons scénarios et des bons réalisateurs du genre horreur, il y en a plus qu'on pense, mais les studios leur mettent des bâtons dans les roues. Ça fait des films minables et sans âme ou bien les artisans vont quitter le navire. C'est-tu un exemple? Oui. Ben là. Cary Fukunaga est l'un d'eux. C'est un jeune réalisateur talentueux. Il a entre autres réalisé la première saison excellente de True Detective. Je sais pas si tu as vu ça. C'est vraiment excellent. Oui, oui, Harold Wilson puis Matthew McConaughey. Oui, oui. Première saison. La deuxième saison, il paraît qu'elle est bien moins bonne. Bon, lui, il allait faire le remake de It de Stephen King. Il voulait faire un film d'horreur différent, de grande qualité, avec des vrais personnages. Mais les studios voulaient pas de personnages. Donc, le gars, il a quitté le projet parce que ceux-ci, les gens du studio, se sont mêlés de l'artistique de ce qu'il voulait amener. Il voulait pas offenser le public de base des films de genre. Il voulait du conventionnel, de l'inoffensif, des archétypes et des jump scares. Et c'est tout ce qu'on demandait à Fukunaga. Fait que... Une fois celui-ci parti, ben, qui est-ce qu'ils ont été chercher? Gary Duberman. Lui, il a écrit le très, très poche. Pas à Montréal, lui. Il a écrit le très, très poche. Annabelle. Je sais pas si vous avez vu le film Annabelle, mais non. C'est vraiment de la merde. Ah, ben, le Conjuring aussi, c'était minable. Mais, non, pas tant que ça. Heureusement, il y a des studios moins frileux, puis ça donne des films comme, le remake d'Evil Dead, qui était franchement excellent. Presque aussi bon que l'original. Ouais. Fait que c'était, ça. Mais en même temps, tu sais, les maisons du studio, ils veulent faire des films qui vont se vendre à un auditoire qui vont voter pour Trump. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire des films débiles, avec des scénarios débiles, des jump scares. Puis le monde font genre, « Mon Dieu, il était tué par la ce film-là. » Mais quand on arrive avec des idées de films d'horreur intelligents, intéressant, original. Ah ben là, no fucking way, faut que t'ailles ailleurs. C'est fou des personnages. Ouais. Justement, c'est ça quand il dit scénario aussi. Quand il disait, je voulais, c'est des personnages. C'est le spectateur qui s'attache à des personnages. Waouh, sont intelligents. Je veux pas qu'ils meurent. Je suis intéressé par ce qu'il vit, par ce qu'il dit. Mais non, souvent, ça va être des personnages dont se calisse. On a hâte qu'ils crèvent. Parce que, je sais pas, pour les spectateurs habituels, je sais pas ce qu'ils vont chercher là-dedans. Là. Mais pourquoi on parlerait pas de la franchise à Split on Regrave? Toi, tu l'as regardé, t'as adoré, moi j'ai regardé le premier, j'ai trouvé sa poche. J'ai pas donné de net pour pas t'offenser, mais dis-moi donc, quelle est ta vision, quelle est ta critique de l'ensemble de la franchise I Split on Your Grave? I Split on Your Grave. J'ai craché sur ton tombeau. Ouais, I Split on Your Grave, c'est ça, j'ai vu les 1, 2, 3, mais j'ai pas vu le premier de 1978, donc le remake de 2010 et deux après. Puis pendant le troisième, j'ai comme réalisé, wow, wow, wow. Je me suis dit oui, Hillary Clinton, présidente, il le faut! Parce que je me suis dit, la femme, elle se fait varger, elle se fait violer, elle se fait insulter, elle se fait varloper. Non, mais des fois, c'est ce qu'elle mérite, non? Puis, ce film-là, je sais pas, c'était comme... c'est comme, j'imaginais des filles regarder ce film-là, puis dire oui, ça fait-tu du bien, parce que la femme là-dedans, elle se venge, puis pas à peu près. Puis... Oui, c'est pas le fun des fois à regarder des films, même des publicités où est-ce que l'homme passe pour un con ou un trou de cul, c'est sûr. Mais des fois, quand le film pousse la note, ben c'est comme un besoin. C'est un comment je pourrais vous dire. Oui, mais à dire que c'est une espèce de série qui vient comme remettre sur le piédestal la femme forte féministe qui vient affirmer son égalité à l'homme, qui vient affirmer même à la limite sa supériorité en se vengeant sur une prémisse de viol dans des mœurs totalement gratuits où finalement elle devient encore plus crapuleuse et minable que les hommes eux-mêmes qui l'ont violée. C'est pas un peu antagoniste au message donné? Autrement dit, la femme se fait violer, elle se venge en les torturant de manière les plus ignobles qu'il y a pas. Dans le troisième, je sais qu'à un moment donné, qu'elle tranche la graine d'un gars en dessous, ça. C'était assez explicite même. Elle tranche la... En longueur. C'est ça. Non, mais en fait, c'est pas gratuit, tout simplement. Ça, ouais, là, mais c'est pas un film que je vendrais, là. C'est un film, c'est moi, la sensation que j'ai eue, c'est que ça a comme été un baume. Ça a été, moi, j'ai trouvé que je suis pas une femme qui se fait violer, mais je me suis mis à leur place, puis ça m'a fait du bien. J'ai fait quin, c'est, je sais pas, moi, l'avant, je sais pas, il y a une espèce, je suis pas un gars super rancunier, mais je suis pas contre l'idée de la vengeance. Je peux comprendre l'aspect cathartique que le film peut donner dans sa deuxième partie, quand que la femme enfin réalise son pouvoir en se vengeant sur ceux qui l'ont primé. Sauf que j'ai vu le premier. Je me suis dit, je vais arrêter à ça. La scène du viol, elle manque d'intensité, elle manque de sincérité, dans le sens que, par exemple, si on regarde l'Irréversible, la scène du viol d'Irréversible de Gaspar Noé avec Monica Bellucci, le viol est véritablement insupportable. Marc Latrémoine, tu l'as-tu vu? C'est génial. Le niveau technique, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, tu vois, moi, je voulais pas voir ça. Ça me tentait pas, fait que j'avais peur. Fait que quand le viol, j'ai vu qu'il était pas si pire, entre guillemets, j'ai fait une chance. Ça me tentait pas de vivre ce que j'ai vécu. Oui, mais quand tu vois ce qu'elle fait aux hommes après par rapport au viol soft qu'elle a subi, ça reste un viol, mesdames et messieurs. C'est inacceptable. Oui, mais ils ont voulu la tuer, en plus. Ils ont voulu la tuer. Oui, ils ont voulu la tuer. Bon, ils ont avec le sourire, le sourire dans la face. Oui, qui a voulu la tuer? La petite flic! Moi, je dis qu'il méritait. Ah oui, c'est un flic. Commence pas la tuer. Mais c'est un flic en plus de ça. Mais je trouve qu'il méritait. Le shérif du Sud. Il méritait ce qu'ils ont eu. Ça, c'est sûr, certain. Donc, on est pour la peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort, sauf quand je peux la donner. Moi, je suis contre la peine de mort à cause des erreurs judiciaires qu'il y a eu, puis qu'il va toujours en avoir. Ouais, puis surtout que c'est tout le temps des noirs qui passent à la chaise électrique. C'est tellement bizarre, ça, là. Mm-hmm. C'est comme les émissions de Star Trek des années 60, là. C'était toujours celui qui allait mourir, le noir, ou qui apparaissait juste dans une émission. Oh, le petit figurant inutile. Le petit figurant, c'est ça. Mais je me demande si on a déjà repris le figurant plus qu'une fois, puis il meurt plus qu'une fois dans la série au complet. Peut-être qu'il apparaissait dans d'autres émissions, le même figurant. Puis il mourait dans d'autres émissions. Non, mais je suis d'accord avec toi pour les erreurs judiciaires. Là. Ouais. Mais même si c'était pas des erreurs judiciaires, la peine de mort, c'est crétin. C'est se donner le droit de... Donner le droit de ce que l'autre n'a pas le droit de faire. Ouais. Mais personnellement... Tu sais, prendre la place de Dieu, pour ceux qui croient une divinité, là... Mm. Oui, mais on dépense des milliers par jour. Un incarcéré peut coûter des centaines de dollars en nourriture, en traitement, en frais carcéral. Ça coûte cher. Pourquoi, par exemple? 30 000 par année. Par incarcéré. Je crois que oui. Non, on peut pas s'en débarrasser. Allez, tu vois, moi, comme j'ai dit, j'aimerais pouvoir donner la mort. Oui, mais pédophile récidiviste avec meurtre. Qu'on peut pas réinsercier. Par exemple, les tueurs en série, on peut pas les remettre en société, c'est impossible de recommencer. Les psychopathes, c'est pas tous des tueurs en série. Ouais, puis les pédophiles récidivistes, même si on chope les couilles, ça se passe dans le crâne. C'est prison à vie, qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi les mettre en prison à vie? Mais tu vas être tué. J'ai une petite anecdote à... J'ai pas de solution, mais je trouve que l'incarcération... comment on dit? L'incarcération... Perpétuité. Surtout qu'il y en a qui ont 500 ans, des fois, de perpétuité. Je trouve ça tellement idiot. C'est aux États-Unis, là. C'est pas au Canada. Non, Canada, c'est 25 ans maximum. Aux États-Unis, c'est une grosse bande dessinée. Là, tu voulais partager une anecdote? Ouais, j'ai juste une petite anecdote pour... j'ai à job un gars, son cousin, il a fait de la prison parce qu'il a comme tué accidentellement, c'est quand même sa copine. Puis je pense qu'il a fait 3 ans en prison. Puis s'il avait pas été en prison, il aurait jamais pu se refaire faire les dents. Puis, il avait complètement démoli ses dents, il était complètement pourri. Puis, il s'est fait démolir en prison pour mieux sucer ou quoi? Non, mais il s'est refait faire complètement, puis ça a été payé par le gouvernement, par le... Donc, si je veux me refaire faire les dents, et si vous voulez vous refaire faire les dents, mesdames et messieurs, allez tuer quelqu'un. Aller en prison, tout simplement. Vous allez faire noté. Payer. Ouais, parfait. C'est noté. Ouais, mais moi, je suis tellement beau en prison, là, sacrément, je vais me faire défoncer l'anus. Ah, je pense que n'importe qui va se faire défoncer l'anus là-bas, là. Ils ont besoin de cul, c'est sûr. Pour moi, je suis trop vieux. Ben, justement, les dents vont... Non, mais t'es très charmant, Marc Latrémoy. D'ailleurs, il y a du monde qui applaudit quand ils t'ont vu sur scène. Nu. Ça, c'est il y a 15 ans, 20 ans, je m'en souviens plus il y a combien de temps. 15... En tout cas, ça fait longtemps. Ouais. Depuis ce temps-là, le corps a commencé à dépérir, puis tout est tombant, tu sais, tu comprends? Ah ouais, le phénomène de la testicule et de la gravité, je connais. D'ailleurs, mesdames et messieurs, je suis rendu avec 3 paires de couilles. Hein. Alors... Ouais, je veux dire, 3 couilles plutôt. Ah ouais? Ouais. Je me suis fait faire une vasectomie, puis je sais pas pourquoi, mais une de mes testicules, celle de gauche, qui commençait à former une espèce de sac qui serait une accumulation de jus, je sais pas quoi. Le gars qui a fait l'échographie, c'est pas c'est quoi. Ma médecin de famille, c'est pas c'est quoi. Fait que là, c'est comme séparé en deux. Fait que j'ai comme une couille séparée en deux qui fait comme 2 petites couilles, puis une grosse couille à droite. C'est quasiment intéressant. Ouais, c'est spécial. Fait que toi aussi, à poil, c'est pas beau à voir. Moi, c'est mon eczéma que j'ai un peu partout. OK, hey, en parlant de vieillesse puis de mortalité, ben justement, c'est le temps de saluer nos Maccabées de personnalité publique. Trump, s'il te plaît. Le plus jeune ou le plus vieux, malheureusement. Non, Trump n'est pas là. Je vais commencer avec le plus jeune. Dans 2 ans. Le 5 novembre dernier, décédé à 34 ans. Il y a 2 semaines aussi, il était décédé à 34 ans, le ministre de la Santé en Lituanie. Parce qu'ici, c'est Marek Svatos, joueur de hockey slovaque, ayant aussi joué dans la Ligue nationale de hockey, notamment pour l'Avalanche, où il a eu ses meilleures saisons, il y a à peu près 5 ans. Lui, il serait mort suite à une overdose de médicaments ou de drogue. Ah mon Dieu, on revient à l'émission de la semaine passée. Il prenait de la drogue ou quoi? Mm-hmm. Qui ça? Ben, ton joueur qui est mort. Ah, le joueur de... Mais tu me dis qu'il est mort avec... Qui est mort? Mais ton Svatos, là, ton Svatos, là, il est mort de quoi? Lui, là? Ouais. Ben, il est mort d'une overdose, ouais. Ben, c'est ça. La semaine passée, c'était sûr qu'il... T'écoutais-tu la semaine passée, Chris? Celui qui faisait du vélo, et puis faisait du vélo. Ah, OK. En prenant du café, ouais, ouais, non, je vois la cigarette. Tom Simpson qui est mort. C'est la chronique de qui? Je du moment. Marc Lacroix. Ah, non, j'écoutais pas. Moi non plus, j'écoutais pas, de toute façon. Je pense que vous écoutez pas, vous entendez. Savez-vous quoi? Moi non plus, je m'écoutais pas. Hugo, il a dit qu'il aimait pas vraiment ça. Non, pas vrai. Hugo, en passant, tu m'es fait ça. Marc, moi, tu connais pas, Marc? Non, pas du tout, ça me dit rien. Non, il est pas connu. Toi, t'en souviens-tu? Pas tout. Je m'en souviens pas. Et le plus vieux maintenant, le 31 octobre dernier, peut-être que tu le connais, lui. Ah. Je sais pas, est mort à 101 ans. L'acteur, un des plus vieux acteurs russes, Vladimir Zeldin. Non. Non, OK. Il l'était depuis 1935, puis il a principalement fait du théâtre. J'ai essayé de voir s'il avait fait des films dernièrement, mais non. J'ai hâte qu'on parle de gens qui meurent qui vont vraiment nous intéresser. Moi, ouais, comme Trump. OK. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la vidéo de Marilyn Manson où on le voit décapité sur le sol? Marilyn Manson tient une Bible dans ses mains qui manipule d'une manière... méprisante, évidemment, c'est Marilyn Manson, c'est un des prêtres de l'Église de Satan. Il est placé haut dans la hiérarchie de l'Église de Satan. Et puis, bref, dans la fin de son vidéo, tu vois le cadavre d'un politicien décapité sur le sol avec une grosse flaque de sang. Puis, le cadavre décapité est habillé exactement comme Trump avec sa veste blanche. Mais c'est sa chemise blanche, sa cravate rouge. Mais c'est un vidéoclip qu'il a réalisé aussi, c'est une toune. C'est un vidéoclip? C'était réalisé quand, ça? Ouais. Je sais pas c'est quoi la date du vidéoclip, mais ça doit être pendant la campagne, parce que... OK, c'est une nouvelle tune. Oui, oui, le vidéo, il est très récent, ouais. Ah, ouais, petit pun. J'ai pas écouté la tune, j'écoutais pas la musique. Okay. Je vous dis, c'était sur mute. Vous souvenez-vous, comment il s'appelait? Frankie Goes to Hollywood. C'est Relax, Don't Do It, la vidéo. C'était le leader Gorbatchev et Reagan qui se battaient. Okay, non. Sur un ring? Ouais, qui s'arrachait, il se mordait les oreilles, puis c'était sanglant, il y avait du sang qui... Relax, don't do it, everybody come. Quelque chose de même, c'est ça. Come, c'est UM. If you wanna come. Ah, okay, if you wanna come, c'est UM. Suivant. Ouais, ça t'entends-tu de me parler de quelque chose, Marc, entre moi? J'ai, faut que j'aille à la toilette. Ben, parfait, je me ferai pas interrompre. Non, non, vas-y. Ça dépend. Finalement, je me suis calmé de la victoire de Trump, là. Ça... Ouais, parce que Marc Lattremois, tantôt, quand il est arrivé, il était pas mal déprimé. Il avait plus le goût de parler de rien, sauf Trump. Sauf Trump, puis la conversation a déjà commencé avec Marc. Mais on aurait dû s'en garder pour ton poussette, là. Mais ouais, pour l'enregistrement, mais finalement. Pff. Non, ben, OK, parfait. Moi aussi, que je fais un segment qui s'appelle Dans ma bibliothèque, qui consiste à prendre un livre historique ou bien une biographie de ma bibliothèque chez moi ou de ma bibliothèque municipale. Et de décortiquer un événement historique s'y rattachant. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la Bible. Oh yeah! Non! J'ai pas de Bible chez moi, que Dieu m'en garde, mais j'ai un livre qui s'appelle L'histoire de la Bible, pis ça, c'est assez fascinant quand même. On veut garder mon intervention assez courte, donc je vous parlerai pas de quand a été écrit l'Ancien Testament, ni des livres sur l'Exode, de l'époque royale, ni dans quelle langue originale, puis encore moins du Nouveau Testament, de Marie-Madeleine et de Paul, mais bien plutôt de Saint-Pierre et de son tombeau. Je peux-tu te demander, livre, l'histoire que tu dis, est-ce qu'il y a un peu de critique là-dedans ou vraiment pas? C'est vraiment Qu'est-ce juste... que tu dis par les critiques? Ben, tu dis c'est l'histoire de la Bible. Est-ce qu'il parle des... parce que dans la Bible, il y a eu beaucoup de paradoxes, de contradictions. Ah oui, il parle des changements. Ouais, il parle des changements. Il parle qu'il y a eu plus que 4 évangiles. Il parle que c'est écrit en hébreu, c'est écrit en grec. Des contradictions, il en parle aussi. Un petit peu. Non, mais c'est hébreu, grec, c'est les traductions. L'original de la Bible, c'est en araméen. En araméen. Mais c'est qui le nom de l'auteur? Ah, OK, je vais te revenir là-dessus la semaine prochaine. Non, ça, là, tu dis pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires. Bon, le tombeau de Saint-Pierre, c'est-tu un concept où est fondé entièrement les bases de l'Église catholique, soit d'avoir construit les fondations de l'Église de Saint-Pierre de Rome sur le tombeau de Saint-Pierre lui-même? C'est une belle métaphore afin de poursuivre la déclaration de Jésus qui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » T'as pas dit plutôt « Combien t'es mort tes crayons? » Ça aussi. Puis que je vais t'arracher les yeux si tu continues à faire une compétition avec moi. Mais c'est-tu une métaphore ou bien c'est une réalité? Si tu parles à un croyant, il va dire « Oui, oui! » C'est son tombeau, c'est certain. Si tu parles à un athée, il va dire « Je m'en caresse. » Ah, oh ben, si tu parles à un Québécois, baptisé et élevé catholique, mais ne le pratiquant plus, il va dire « C'est peut-être lui, puis c'est peut-être pas lui. » On le sait pas. Mais moi, de lui répondre « Oui, on le sait, puis c'est pas lui. » Allez, juste faire un peu de recherche historique, puis on peut conclure facilement. Et toi? Je commence. C'est toi qui dis ça. Non, c'est pas moi, c'est pas le livre non plus, c'est plusieurs articles que j'ai pris de gauche et à droite, si tu veux le nom des auteurs. Des articles de gauche et de droite? aussi. Des articles qui viennent des contemporains de Trump. Bon, le Nouveau Testament, qui contient le seul récit presque, justement, contemporain de la vie de Pierre, ne mentionne aucunement qu'il soit allé à Rome ou qu'il ait subi le martyre. Dans les Actes des apôtres, qui relate les faits et gestes des apôtres après la mort de Jésus, Pierre apparaît pour la dernière fois autour de 44 après Jésus-Christ, dans une prison de Jérusalem sous laquelle il fut libéré par un ange. Puis il disparaît du récit biblique de manière si brutale que certains chercheurs interprètent la présence de l'ange comme un euphémisme de la mort. Paul, qui écrivait de Rome et parfois à Rome, pendant les années où Pierre y aurait vécu, l'oublie sur la liste des chrétiens de Rome les plus éminents à la fin de ses lettres. Les preuves littéraires, quand il y en a beaucoup de la présence de Pierre et son martyr à Rome, demeurent ambiguës jusqu'à la fin du 2e siècle. Puis jamais personne ne mentionne le tombeau de Pierre. Là, je sais que j'en ai perdu quelques-uns. Là, ça ressemble un peu à la chronique de Marc la semaine passée. Mais concentrez-vous. Là, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant pour certains. Ou bien sinon, faites fast-forward de 5 minutes. Malgré tout cela, supposons que nous acceptons l'hypothèse selon laquelle Pierre a été martyrisé à Rome. Supposons qu'il a été martyrisé à Rome. On peut savoir quel type de martyr, c'est quoi les méthodes de torture qu'il a subies? Ben, à l'époque, c'était les crucifications, tout simplement. C'est pas une méthode de torture, c'est une méthode de condamnation à mort. Ouais, c'est vrai. Y a-tu genre le strappado, les doigts mis dans l'eau bouillante, non. L'arrachage de paupières, le torture ça, du rat? L'arrachage de paupières, ça, c'est amérindien. Ils adoraient ça. Et après ça, ils te mettaient sous le soleil. Ils étaient obligés à regarder le soleil. Puis tes yeux se déshydratent au fur et à mesure. Ouais, agréable. Ça, c'est une torture amérindienne. Fait que les autres tortures, je suis pas très familier avec ça. Sauf que je sais qu'ils envoyaient souvent les chrétiens dans le cirque romain. Puis après ça, ils allaient se faire... je sais pas. On a un peu la même chose. Je peux t'ouvrir une parenthèse rapidement? Ah oui, en parlant de torture. Moi, j'ai pensé à une torture, c'est que tu penses, quelqu'un glisse dans une glissade d'eau, là, puis il se fait du fun. Wouhou! Mais tu tapisses le dernier mètre de barbelé. Un tapis barbelé, puis là, il glisse. Puis là, après le barbelé, ben, il tombe genre dans une piscine de. Avec des piranhas. Non, mais genre d'eau de javel ou ben de d'alcool ou de sel, là. Ah, imagine un mètre d'à peu près d'eau de barbelé, puis il faut qu'il glisse là-dedans. Ouais, mais honnêtement, j'ai rendu au barbelé, je pense qu'il meurt sur le coup, là. Ah, ouais. Ben, la peau, tu t'arraches. Il reste pogné dans les barbelés. Ouais, c'est vrai. La rétique. Mais moi, je veux voir ça une fois dans ma vie. Ben, j'étais rendu où? T'es rendu à Rome, la torture. Ah, ouais. Tir, Martin. Ben, il est peu probable qu'on ait récupéré le corps de Pierre pour l'enterrer puis que ça tombe et porter une indication. Parce que lors des persécutions infligées par l'empereur romain Néron, le seul fait d'être chrétien constituait en soi un crime punissable de mort. Puis, en vertu de la loi romaine, le corps d'un tel criminel, particulièrement lorsqu'il s'agissait d'un étranger comme Pierre, n'avait pas droit à des funérailles. Il arrivait qu'on le jette simplement dans le Tibre. Pour le récupérer, quelqu'un aurait dû présenter une demande aux autorités romaines, s'identifiant lui-même comme chrétien, ce qui équivalait à se suicider. Qui plus est! Peu de compagnons chrétiens de Pierre se seraient donné la peine de récupérer ses ossements. Les chrétiens qui vivaient vers 64 attendaient impatiemment la parousie. Ça, c'est le second avènement de Jésus, le retour de Jésus à la fin du monde. Ouais, c'est ça. Ah, okay. Ces chrétiens-là, à cette époque-là, ils disaient « Jésus va revenir, puis ça va être la fin du monde, ça va être dans le feu de l'enfer, et il y aura plus de... la terre va arrêter d'exister. » Ça n'a pas un mot plus commun, ça? La parousie, c'est la première fois que j'entends ça. Non, c'est pas l'apocalypse. C'est bon au Scrabble. Mais l'apocalypse, c'est la fin du monde, mais ouais. La parousie, fin du monde avec le retour de Jésus. OK, OK. Mais avant le retour de Jésus, t'as l'antéchrist ou l'antichrist. Et après, tu as le retour du Christ. Ouais. Bref, mais par rapport à la loyauté chrétienne, on peut voir que même dans les périodes antiques, les chrétiens étaient extrêmement loyaux comme individus. En abandonnant Pierre, par exemple. Ah oui, ben non, mais ben, tu vois que ça ne servait à rien de le récupérer parce qu'ils attendaient la fin du monde de toute façon. Puis même, ils se condamnaient s'ils voulaient récupérer son corps. OK. Ils se condamnaient eux-mêmes de même. Puis les dépôts et les tombes des martyrs avaient peu d'importance, comme je disais à cette époque-là. Dans un monde qui est sur le point d'être consumé par le feu. Puis ce fut qu'un siècle ou plus après la mort de Pierre que le culte des martyrs s'est vraiment développé en Occident. Puis c'est de 170 à 210, trois auteurs, je termine là pour ceux qui sont tannés, Dionysos de Corinthe, Irénée de Lyon et Gaius de Rome déclaraient que Pierre et Paul avaient fondé l'église de Rome. Pierre et Paul. Ouais, Pierre et Paul. Il n'y a pas une blague qui commence comme ça? Pierre et Paul, ça monte en bateau? Non, ça, c'est Paul et Paul. Okay. Les prédécesseurs des Ding et Dong. Okay. Ils dressèrent des listes des évêques des principales églises afin de démontrer l'existence d'une chaîne continue de dirigeants qui remontait jusqu'à un illustre fondateur. La présence d'un apôtre, confirmée par la tombe et sa dépouille, devint une pièce généalogique essentielle de l'orthodoxie pour une congrégation locale et une source d'immense prestige. Les restes de Pierre, le prince des apôtres, représentaient l'élément le plus prestigieux de tous. Donc, je termine là-dessus, il fallait créer une histoire afin d'établir la puissance de l'Église catholique. Une hagiographie. Ah. Et voilà. OK, évidemment. Créer un personnage, une espèce de super-héros dont la dépouille, comme Elvis Presley, on sait pas trop s'il est mort ou pas, pas trop s'il est enterré là ou pas. En gardant ce mystère-là, on garde le pouvoir du personnage. Un bon exemple, Sama ou Ben Laden. Est-il mort ou est-il sur une île avec Elvis Presley et Jim Morrison? Hitler aussi? Non, Hitler, lui, il est tout seul sur une île. Il est pas en Argentine? Non, il n'y a pas beaucoup d'amis Hitler. Non, il y a peut-être Trump qui va le rejoindre l'année prochaine, mais bon, ça, non. Ouais. Hey, sur le HTV, je pense que c'est History Channel. Justement, il y avait une série d'émissions de 10 épisodes comme quoi ils avaient des quasi-preuves qu'Hitler se serait enfui en Argentine. Tu l'as vu, toi aussi, hein? Non, ça dit quoi? Ouais, j'ai lu ça quelque part. Puis ils ont fait des 10 épisodes là-dessus, puis ma soeur a dit « Regarde ça, c'est intéressant. » Puis j'ai essayé de... J'ai jamais pu réussir à voir ça sur le net, sur Internet. C'est un roman de fiction que j'ai vu. Puis... Ça dit pas exactement ça, mais ça suppose, ça met en suspens que Hitler, ça serait pas... Il aurait fallu qu'il soit bien maquillé, hein, parce que historiquement parlant, il y aurait eu des témoignages, des traces personnes qui l'auraient vu quand même. Je veux dire, un individu comme Hitler, alors que tout le monde sur la planète connaissait son visage, Il n'aurait pas pu passer inaperçu, là, je veux dire. Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait des recherches qu'en Argentine. Il paraît qu'il y aurait des, je vais dire, mettre ça en guillemets, des preuves. Mais c'est quoi comme genre de preuves? Je ne sais pas, je n'ai pas pu voir l'émission. J'ai assez, je l'ai cherché, je l'ai cherché. Il faudrait que j'appelle ma soeur. Moi, je cherche le. Si vous avez des preuves, vous nous appellerez. On n'a pas de numéro de téléphone, mais ce n'est pas grave. Et si vous avez Hitler, vous nous écrirez sur la page Facebook pour confirmer que vous êtes vivant ou mort. Ouais. Mais attends, moi, dans deux secondes, je vais avoir le livre que j'ai lu justement. Puis c'est par rapport à 116 plus 11, 127 ans. Bon, ça un peu, là, s'il a fait des pactes avec les dieux païens, et peut-être qu'il était mortel. Surtout, là, ça fait de sa vie, là, tu vois qu'il shakeait de partout. Là, puis, Opération Napoléon. Puis regarde, ça, le roman, c'est Opération Napoléon. Puis regarde ma critique, c'était « Et si Hitler avait finalement enterré sa chienne Blondie sur une île d'Amérique du Sud? » Trois petits points. C'est un roman, ça? Ouais. OK, mais pourquoi Napoléon? Il ne s'appelle pas Napoléon, ça s'appelle Hitler. Non, Opération Napoléon, c'est le nom d'une opération. OK. Parce que c'est, en tout cas, sinon, c'était bien intéressant. En parlant de bien intéressant, ben c'est à mon tour à parler. Ah, si bon. Merci de me dire que c'était intéressant. Ben oui, merci. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Aussi, j'ai fait mon bac en histoire des religions, donc je trouve ça passionnant. Mais sauf que quand tu t'appelles Pierre, ça fait genre comme si tu venais de la Rive-Sud, mais en tout cas. Ouais, c'est vrai. Paul et Pierre, ça fait... OK, Paul, son nom original, c'était Saul. Puis son nom original à Pierre, c'était quoi? Pierre. Tu sais, pourquoi je suis en rien, antiquité, tu t'appelles Pierre, t'es mal à manger. Puis Néron, y avait-tu le Néron? Non, OK, moi, je vais faire de quoi à chaque deux semaines? C'est vrai que c'est l'ancêtre de Trump, mais... Une affaire, ça, on pourra en discuter, ça s'appelait « La merde et le bijou ». Quoi, la merde? La merde et le bijou, est-ce que vous savez ça va être quoi? Pas du tout. Donc, ça va être pendant, entre deux podcasts, je regarde beaucoup de films, et là-dedans, je vais trouver la merde et le bijou. Alors, je vais vous parler de la merde, Jack Reacher 2. Jack Reacher 2, Never Go Back. Quel titre plein de sagesse, Never Go Back. Bon, Jack Reacher, c'est avec Tom Cruise, ça dit quelque chose? Peut-être. Ah, c'est-tu... C'est pas le film qui ouais, ouais, en ce moment. Ouais, okay, ouais, ça, c'est le 2. John Jack... C'est le 2? C'était quel, le premier? Ouais, le premier, c'est Jack Reacher. Jack, Red Jack Reacher, Come Back. Non. Il était sorti quand? Okay. Jack Reacher est malheureusement de retour, prêt à tout pour obtenir justice, notamment en endormant le spectateur. Susan Turner, qui dirige son ancienne unité, est arrêtée pour trahison. Personnellement, la trahison, c'est ce sequel qui est un des pires films de Tom Cruise, sinon le pire, et pour une des premières fois, il fait vraiment « has been ». Habituellement, on dit « coudon, il vieillit donc bien, oh, es-tu beau, regarde les petites fesses ». Puis là, non, c'est il a l'air d'un vrai has-been. Jack Reacher ne reculera devant rien pour prouver l'innocence de la jeune femme. Pour être franc, je me souviens pas du tout devant quoi il a pas reculé, parce que les scènes d'action sont quasi inexistantes, puis elles se déroulaient pendant que je dormais. Parce que oui, je me suis vraiment endormi dans le cinéma. Ça parle beaucoup? Ça blablatère beaucoup? Oui, mais c'est pas du blabla intelligent, là, c'est du keten. C'est de l'écriture minable. Donc, un film pour les électeurs de Trump? Oui, ils vont bien aimer. Ensemble, donc, Reacher et la nana... Oh, excusez, j'ai dit nana, c'est pour ça que je voulais dire. Culture du diable! Ouais. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater la vérité sur ce complot d'État. Mais c'est moi qui vais faire éclater la vérité. Jack Reacher 2, c'est un téléfilm d'action pour grand-maman, sans aucune finesse ni originalité. Là, je vais m'ouvrir un suçon, je vais sucer un suçon. Alors, je suce. Écoutez. Fait que là, j'en vaux pas un, là, dans celui qui m'écoute, là, qui nous écoute présentement, là. Hugo, là, t'es là, t'écoutes, Hugo? J'en vaux pas un, aller voir Jack Reacher, je vous le dis que c'est de la merde, pis c'est moi la science infuse là-dedans. Mais je voudrais juste faire une parenthèse. Mon frère, c'est comme une espèce de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme une espèce de chauvrette. Aucun rapport, mais fallait que je le dise. C'est que s'il est de bonne humeur, le film va être bon, s'il est pas dedans, le film va être poche, même si c'est un classique. Un bon exemple, il a pas aimé Blade Runner. Deuxième, et le bijou maintenant... Je vais laisser mon père, mon frère en parler un peu. The Witch. Je vais dire le résumé. 1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Catherine. Un couple dévot s'établit à la limite de la civilisation, menant une vie pieuse avec leurs 5 enfants et cultivant leur lepant de terre au milieu d'une étendue encore sauvage. La mystérieuse disparition de leur nouveau-né... Et la perte soudaine de leur récolte vont rapidement les amener à se dresser les uns contre les autres. The Witch est un film d'épouvante américano-canadien, écrit et réalisé par Robert Eggers, sorti en 2015. C'est son premier long-métrage. Marc, est-ce un bijou ce film? Pendant que je déblatère, là, apporte ça, la critique que j'ai écrite sur Facebook pour que je la relise en ouais, même temps. Je l'ai cite. Tu l'as cite? Bon, je vais la lire. Attends, je l'ai-tu? Ah non, je l'ai pas. Trouve-la dans mes commentaires, là, Facebook. Ouais. Bon, OK, ben parle. OK, bon, bref, ben là, faut que je parle. Bref, je vais mettre sur mute. Donc, on a retrouvé des notes. Marc Jodoin va là, on a pesé sur mute, on a discuté de toutes sortes d'affaires pendant une demi-heure, puis on vous en reparle. Il va nous dire si oui ou non, Witch, c'est un bijou. Moi, j'ai adoré Witch. Ça me faisait penser un peu à des traces de Carl Drouillard, le réalisateur qui a écrit Axan, et surtout de Ingmar Bergman. Il y avait une saveur Ingmar Bergman-esque dans le thème. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Il m'a semblé avoir été imprégné d'une sorte de subtil aura maléfique lors de cet arbre primitif visuellement, de la couche graisseuse et rubiconde d'un nouveau-né sacrifié. Probablement l'œuvre cinématographique la plus sincère et honnête en hommage à ma très chère sorcière et mon maître Satan. Ben oui, j'ai déjà eu un trip de satanisme, ça, bref, c'est dans un passé pas si lointain. Ouvre-moi le livre du savoir interdit. Les notes musicales, la photographie, la performance des acteurs, la mise en scène et les décors naturels de nobles et remarquables ingrédients, fusionnant en un pervers sabbat bouillant lentement dans une profane mais sacrilège marmite démoniaque. Carl Drouillard n'est pas loin, le diable non plus. Et j'en ai fait une rapide comparaison avec Antichrist de Lars von Trier, que j'avais beaucoup aimé aussi. J'ai cru à certains moments éprouver cette même sensation immorale et pervertie qu'Antichrist m'avait fait, ce que Antichrist m'avait fait subir. L'approche bestiale, la présence animalesque dans le film, l'approche importante de la puissance des animaux, leur symbole aussi très fort, le lièvre, le bouc. Il y a des moineaux aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Ça a rapport à mes orientations sexuelles, mais on en parlera une autre fois. Okay. La sensualité, la magie noire, cette sombre nature indomptée et indomptable, la présence importante de la forêt, par exemple, de la végétation, de la nuit, l'importance de l'inconnu et des craintes archétypales que la dame nature peut nous apporter quand on est seul et vulnérable face à ses forces encore incontrôlées. Et le film le présente bien parce que... Attends, moi j'ai retrouvé mes notes, moi j'ai écrit « Wow, c'est vraiment bon! » J'ai écrit « Wow, c'est vraiment bon! » Mais t'es un spécialiste de la sorcière, vu que j'ai fait ma maîtrise sur les origines païennes de la sorcellerie médiévale. Ce film est un profond hommage à la sorcière qu'on retrouve dans les États-Unis du 16e, 17e siècle anglo-saxon, surtout avec Salem et le puritanisme de l'époque. Et le film représente très bien cet aspect psychologique-là d'une famille très, très croyante, fanatique, bref, puritanisme égale fanatique à cette époque-là, où tout ce qui n'est pas compris, tout ce qui n'est pas connu peut devenir une source démoniaque. Donc, facilement, on peut trouver un coupable. On passe de la jeune femme, on pointe les deux enfants. C'est un orteil croche, genre? Si t'as un orteil croche, c'est le diable. Si ta fille est trop sexy, puis elle t'incite à l'inceste, tu la touches, mais après ça, tu mets ça sur le dos du diable, tu fais deux, trois prières, puis t'es disculpé, tu t'en vas paradis. Les crises de roux, là, dans le temps, c'était-tu considéré comme des sorcières? Ben, les roux, là. Les roux. Ben, tu sais, les roux, là. Les roux des chariots, des chariots. Les cheveux roux. Ceux qui ont les cheveux roux. Ah, dans certains pays. Les roux, okay. Dans certains pays, dont je crois les pays scandinaves, vu que c'est une couleur de cheveux rare dans certains endroits du monde, la rareté peut également être une source de satanisme ou d'aspect démoniaque. Non, par exemple, les gens dont les sourcils se rejoignent peut être un signe de lycanthropie. Tout ce qui sort hors de l'ordinaire peut être d'origine démoniaque, satanique ou vilaine. Mais toi, Marc Latrémouille, ça te dit rien, le film The Witch? Déficit d'attention, excusez-moi, j'étais dans l'une. Sérieusement... T'en as pas entendu parler, The Witch. Il me semble, derrière... Je regarde derrière mes souvenirs, derrière ma tête. Le film est tout récent. Mais tu sais, c'est vraiment pas pour tout le monde. Personnellement, je trouve que c'est un film presque à Oscar. Mais ça n'aura jamais sa place là parce que... Ouais. Ben, ceux qui vont pour Trump, ils iront pour voir cette film, ils vont trouver sa poche parce qu'il n'y a pas de sang réellement, il n'y en a pas beaucoup. C'est un film d'ambiance. C'est très mitigé, là, les réactions. Là. C'est pas un film d'épouvante, là. C'est véritablement une espèce de... Ben, comme l'a dit le film, c'est un drame folklorique basé sur des croyances populaires de l'époque et faite avec beaucoup de sincérité et d'humilité. Il y en a qui ont été voir ce film-là et ont dit « c'est pas ça rien, c'est bien plate ». Mais comme j'ai dit tantôt, au moins le studio qui a permis de le faire, au moins il a osé puis il nous a donné un film de genre qui se fait très, très, très, très, très peu et un travail très, très méticuleux. Mais il paraît que Trump a apprécié pour la scène où la fille de 14 ans est tenue. Ouais. Moi, ce que... Moi, ce que quand je critique un film ou quand je prends le temps, je prends 24 heures avant d'y penser. Puis après ça, si ça me reste, là, s'il me reste encore des images, des pensées, des questionnements sur le film, là finalement, ça m'a atteint le film. Comment t'as trouvé ça de Blade Runner? Blade Runner? Oui, oui, avec Harrison Ford. Le film capote parce que j'ai mis 6.5 sur 10. Il y a Hugo, puis lui qui capote. Là, je suis détaillé. Hugo! Non, Blade Runner, le film. Le film des années 80? Ouais, comment il s'appelle le putain de réalisateur, bordel? Ridley Scott. Ridley Scott, Harrison Ford dans le futur dystopique. Oui, je sais, je pensais que tu voulais parler du remake que Denis Villeneuve est en train de faire. Oh. Non, il n'est pas fait encore. Non, ben, il travaille dessus en ce moment. Ça t'as-tu marqué, ce Blade Runner? À l'époque, boring. Oui. Mais écoute, je ne l'ai pas revu depuis les années 80, fait que je peux pas te dire si ça a bien vieilli ou pas. Regarde-les pas. Ça a très, très, très bien vieilli. OK, ben les pas de version, il y en a 18 qui risquent de version. Elle est pas originale. Puis sais-tu qu'est-ce que la fille de ma blonde a dit? Elle dit peut-être que lui aussi c'en est un réplicant. Ouais, voilà. Ben oui, mais il y a une des versions, c'est ça. Il y a une des versions, c'en est un. Comment ça, une des versions? Parce que le film a 7 versions. Il y a des films qui ont pas 7. Il y a des versions qui n'ont pas la même conclusion. Il y a des versions. Puis est-ce que les 7 sont accessibles à tout le monde? Mais parce que souvent, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est que il faisait. OK. Souvent, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait plusieurs versions, puis il en gardait juste une pour pas que les acteurs dévoilent. T'as une version internationale avec des scènes non coupées, parce que t'as la version américaine R-rated, où il y a des scènes de violence qui ont été coupées. T'as une version Director Scott, dont Ridley Scott a pas participé, qui est une version purement marketing, qui est ressortie en DVD. T'as une version qui est sortie il y a pas longtemps. Fait que les 7 sont accessibles, finalement, t'es en train de me dire. La meilleure version, c'est la dernière, qui est la 30e anniversaire version, où ils ont compris le best des 7 des 6 versions précédentes, puis on l'a fait avec Ridley Scott, avec son monteur, je veux dire, lui qui a travaillé au montage. Director Scott. C'est ça, une véritable version finale qui est excellente. Est-ce que c'est celle-là que t'as vue? Je sais même pas que j'ai vu. OK. Par exemple, à la fin, quand le méchant, le robot méchant, il est en train de mourir. Il sait ça exactement, il est en train de se laisser mourir. T'as une version que c'est la nuit. Oui. Puis t'as une autre version que c'est le jour. Pour vrai. C'est aussi bizarre que ça. Wow. Mais par rapport à mon opinion, là, je respecte je respecte tout à fait que ce soit un film culte, là. Mais, faudrait que je le revoie. Non. Mais je me sens emmerdé. Puis l'autre fois, c'est ça, j'ai écouté un podcast. Ça s'appelle, We'll See You in Hell. Puis c'est deux personnes qui ont chié aussi sur Blade Runner. Chris, t'écoutes pas les podcasts. C'est tellement épais d'écouter des podcasts. Puis ça a fait du bien. Ouais, c'est juste les cafes qui écoutent des podcasts. Mais Hugo! Ça a fait du bien, voir ça. Hey, qui c'est qui t'a changé, toi, chez le Canadien de Montréal? Moi, je changerais tout le monde, si tu... Non, c'est une question sérieuse. Pour vrai? Ben ouais. Qui c'est que j'ai changerais? Un petit 30 secondes. Qui te dit que je suis le Canadien de Montréal? À part la dégelée de 10-0 là, qui ont subi... Les Devils! Non, le coach. Tiens. Ah ouais, j'échangerais le coach pour avoir laissé Al Montoya pour les 10 buts. OK, il disait qu'il veut faire reposer Carey Price, mais même à ça, OK, tu le feras reposer une semaine plus tard. Là, ce que t'as pas, ce que le méfait que t'as fait, c'est peut-être démolir complètement la confiance de Montoya. Ce que j'ai entendu, moi, c'est que Carey Price, il s'était pas réchauffé. Fait que, tu sais, il pouvait pas juste aller dans le couloir puis se réchauffer les jambes 5-6 minutes. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais ça arrive souvent, ça. À cause de l'année passée, je pense qu'ils ont bien peur. Tu sais, il a été blessé super longtemps, puis la saison a fait... Il paraît que ceux qui ont voté pour Trump aiment bien gros le hockey. Il paraît. on achève! Et on est quasiment à une heure. Notre but, c'est de faire un podcast d'une heure, puis on est à 53 minutes, fait que... Mais si vous êtes écœuré, vous arrêtez avant. Ouais. Excusez pas, deux achèvent, mais... Oh, attends, vas-y. Non, mais juste pour parler de Blade Runner, le nouveau de Denis Villeneuve, il sort le 4 octobre 2017. C'est un prequel, c'est un sequel, c'est un reboot, c'est un remake. Avec quel acteur dans le rôle de Harrison Ford? Je sais pas, mais Ryan Gosling. Ford, il est dedans. Ouais. Ah, ta gueule! Il y a Ryan Gosling. C'est pas Ridley Scott qui est à côté, là, le barbu pernel, là? Hein? On est en train de regarder le téléphone de Marc Latrémoille. Je pensais que c'était François Belfait. Ah, si, je le donne, Jared Leto. Oh, ouais. Robin Wright. Ryan Gosling va sûrement. Harrison Ford, qui joue Rick Deckard. Ouais. Je sais pas c'est quel personnage, ça. Rick Deckard, c'est le personnage de. Principal? Oui, donc ça va être une suite. C'est une suite, c'est pas un remake. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Blade Runner 2049. Ben ouais, c'est pas exactement le même titre. Non, l'autre se passe en 2048. OK. Voilà. Ah, c'est une suite, donc. Une suite. Ah, excellent. Ah, Christy, il est quel âge, Harrison Ford, calvaire? Il est dans les 70, à peu près, là. 70... Il est né en 70? Non. Dans les... son âge, c'est une âge. Ah, OK. 70. Puis il meurt dans le film, dans l'autre film. Pour ceux que vous ne savez pas, là, il meurt dans Star Wars. Mais vous l'avez tout vu. Non! Jésus aussi meurt. C'est triste. Toi, Ansel, je veux dire, tu l'as vu, toi, le dernier? Oui, j'ai vu. Mettler, ça se peut qu'ils sont pas morts. J'ai hâte de voir le prochain aussi. De Rogue? Rogue? Oui, Rogue, ça a l'air intéressant. Hugo, en tout cas, ben il y a 74 ans, Harrison Ford. Et si, boy. OK, Schizopod 2. Eh hey, ben attends une minute. Je peux te parler? Vas-y. Quoi? Et toi, qui t'échangerais? Ah, Max Pacioretty. OK, parfait. Merci de me demander. Schizopod 2 achève. Ben oui. Mais avant de vous laisser à ce monde pourri, on va terminer avec quelque chose de positif. Question que vos souvenirs de nous soient des plus beaux. Strump a gagné! Non, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais googler bonne nouvelle dans l'actualité, puis je vais vous dire ce que ça a donné. Puis aujourd'hui, on était quoi, le 8 novembre? J'ai googlé bonne nouvelle, je me suis dit, je suis sûr et certain que... En français ou en anglais? En français. Je suis sûr et certain qu'il va y avoir Trump, Et évidemment, l'élection de Trump, une bonne nouvelle pour la France, selon Marine Le Pen. Merci, Alors, la présidente du Front National, Marine Le Pen, estime que la victoire de Donald Trump scelle la victoire de la liberté du peuple face à un système installé. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, a-t-elle déclaré au siège de son parti. Il paraît qu'elle a couché avec Hitler, hein? Moi, j'aurais cru que ça aurait été son père qui a recruté avec Hitler, puis ça l'a donné Marine. Bon, c'est ça, je veux dire. Elle est sortie d'un des culs. Fait que, à la prochaine, tout est beau? Ouais. Tu laisses là-dessus? Bon, ben. Moi, je mange un bonbon, attention. Fait que nos condoléances pour vos élections. Allez!